Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et on poursuit notre récit alors que nous parlions avant la brève pause publicitaire du défi que représentait l'acceptation des classiques et de la morale confucéenne pour le premier empereur de la dynastie Han. En fait, il faudrait parler d'une confucianisation graduelle de la dynastie Han. À partir du 7e empereur de la dynastie, soit l'empereur Han Udi, un empereur qui a régné entre 140 et 87 avant notre ère. Cependant, malgré l'empreinte indéniable de cette figure politique, c'est surtout au lettré Dong Chongshu, ayant vécu entre 175 et 105 avant notre ère, que revient le mérite de cette confucianisation des mœurs politiques de la Chine impériale. C'est à la suggestion de ce dernier que l'empereur Han Udi mit en place une académie impériale en 124 avant notre ère. Une académie dont l'objectif principal était d'abord de former des fonctionnaires compétents, tant pour ce qui est de l'administration locale qu'au niveau de l'administration centrale. À la tête de cette académie impériale, on nomma 5 lettrés afin qu'ils étudient en profondeur les 5 classiques et qu'ils en partagent ensuite les connaissances avec leurs étudiants. L'académie comptait initialement 50 étudiants en 124 avant notre ère, puis 1000 étudiants en 41 avant notre ère, 3000 en l'an 0 et près de 30 000 étudiants vers la fin des Han postérieurs, soit au début du 3e siècle de notre ère. Les Han font donc une plus grande place à l'éducation des fonctionnaires à partir des classiques et en mettant au premier plan la pensée de Confucius. Une pensée, comme on l'a vu, qui s'adresse aux décideurs politiques et qui mise sur la moralisation des pratiques de gestion et d'administration. Les spécialistes parlent de cette époque comme le moment de la systématisation de la pensée politique de la Chine impériale. Certains vont jusqu'à utiliser l'expression « invention de la tradition » pour souligner l'attachement méthodique des lettrés de l'époque Han pour les textes du passé, surtout ceux liés au confucianisme. C'est en effet effectivement à cette période que les textes anciens furent lus, furent rédigés, furent classés et présentés de manière systématique dans les formes que l'on connaît aujourd'hui. Par ailleurs, en plus de répondre aux besoins de l'État en termes de gestion, la place centrale occupée par l'enseignement des classiques permit d'accroître l'influence d'une nouvelle élite dans la société, et cette influence se fit au détriment de la noblesse terrienne qui était dominante par le passé. Aussi, l'influence croissante de cette nouvelle élite de lettrés permis de canaliser les rivalités entourant le service politique autour d'un zèle intellectuel visant le service de l'État. À partir de la dynastie Han, on voit se former un cadre de légitimation politique privilégié, un cadre qui se fonde sur l'imitation des anciens, à partir de l'étude soutenue et d'une connaissance des classiques, ce qui devient le modèle argumentatif par excellence. La dynamique que nous appelons la confucianisation du gouvernement impérial, c'est un long processus qui s'échelonna sur environ 3 siècles, évoluant de manière graduelle depuis la fondation de l'Académie impériale en 124 avant notre ère. Mais ce n'est qu'à partir de la fin du 2e siècle de notre ère, sous le règne de l'empereur Han Xiping, entre 172 et 177, qu'on peut commencer à parler véritablement de l'existence d'une orthodoxie confucéenne. En effet, l'empereur Han Xiping fit alors graver les textes des classiques sur 46 stèles de marbre devant l'Académie impériale de Luoyang. On dit que chaque stèle avait une hauteur de 3 mètres sur 1 mètre de largeur. Tong Zhongshu est souvent considéré comme l'architecte principal de la confucianisation du gouvernement à l'époque des Han, puisque c'est celui qui a mis sur pied ce qu'on appelle la doctrine du bon gouvernement. Il s'agit d'une théorie politique dont les principes fondamentaux sont inspirés des enseignements de l'école ritualiste et des enseignements de Confucius, avec au premier plan la morale. Cette morale est souvent exprimée à partir d'un thème central de sa pensée politique, soit la conformité de l'homme au souverain et la conformité du souverain au ciel. En suivant cette logique, les hommes doivent agir de manière vertueuse, en suivant l'exemple de probité fourni par leur souverain, qui lui-même agit selon les enseignements du ciel. Or, dans la tradition chinoise, le ciel ne parle pas aux hommes, et on peut seulement interpréter ce qu'il aurait à dire. Ainsi, la morale qui se met en place pour le souverain se définit à partir d'actions qui sont interprétées, selon une logique de cosmologie corrélative, reposant sur le concept fondamental de résonance, Ganying. Quand on regarde les choses du monde de manière générale, on voit qu'elles sont placées, qu'elles sont regroupées en différentes catégories. Et c'est à partir de cette classification des choses du réel qu'on peut alors faire ressortir des affinités, des analogies, des correspondances et donc des résonances, ganying, entre les différentes catégories du réel. Par exemple, à partir des bases de cette cosmologie corrélative, on peut établir une résonance entre les agissements du souverain, les rituels exécutés, les principes moraux et, pourquoi pas, la marche des saisons. La doctrine du bon gouvernement, élaborée sous les Han par Tong Zhongshu, devient en quelque sorte la consécration ultime de la théorie du mandat du ciel, Tianming, ébauchée depuis l'époque de la royauté des Zhou. On se souvient alors que le roi, Wang, était déjà perçu à l'époque des Zhou comme le fils du ciel, Tianzi, et que sa charge politique, Ming, lui était conférée par le ciel, Tian, d'où l'expression « mandat du ciel », Tianming. Le mandat du ciel est donc devenu avec le temps la théorie qui conférait la légitimité politique à l'empereur de Chine. Or, on sait qu'il n'y a pas de relation de causalité directe entre la morale des hommes et la réalité de l'univers, du moins sur le plan scientifique. Tout le monde sait que le cycle des saisons et le mouvement des planètes ne dépendent nullement de la moralité de nos dirigeants politiques. Ainsi, le cadre théorique qui se met en place à partir des principes de la cosmologie corrélative de Tong Zhongshu, c'est un cadre théorique qui ne pouvait reposer que sur des interprétations. Conséquemment, puisque les interprétations entraînent inévitablement des interprétations concurrentes, on se retrouve, par nécessité, avec une malléabilité conceptuelle pratiquement infinie, autant sur les questions de légitimité politique que sur la question de définir les modalités de la relation entre le microcosme et le macrocosme, soit entre l'homme et l'univers. En effet, puisque selon la cosmologie chinoise, le ciel est sans volonté, voire sans conscience active, comment le ciel peut-il communiquer sa volonté aux hommes? Comment par ailleurs est-il possible d'expliquer l'impact d'une bonne conduite morale et d'une observance rituelle sans faille sur, par exemple, le rythme des saisons? Et en contrepartie, comment expliquer le lien qui peut exister entre des calamités naturelles, comme les sécheresses ou les tremblements de terre, et l'expression du mandat du ciel? Dans tous les cas, puisque les Chinois refusent d'accorder une conscience et une volonté au ciel, il devient difficile d'expliquer le fait que le ciel puisse s'émouvoir de la conduite des hommes, à un point tel que le ciel voudrait leur donner ou leur retirer un mandat de gouvernance, ce qu'on appelle le mandat du ciel. Il s'agit là d'une aporie fondamentale, une aporie qui est située en plein cœur de la philosophie impériale qui se met en place à l'époque de la dynastie Han. Au final, on voit que cette aporie fondatrice ramène les principes de légitimité politique de la Chine impériale à un raisonnement circulaire autoréférentiel. Raisonnement circulaire dont la version extrême pourrait ressembler à dire quelque chose du genre « la preuve que ça va bien, c'est que ça va bien ». Pour masquer cette pétition de principes qui se retrouve au cœur de la réalité du pouvoir impérial qui s'institue à partir des Han, et aussi un peu certainement afin de sortir de cette contradiction insoluble et de lui trouver des solutions, les penseurs politiques chinois en sont venus à développer une infinité de variantes interprétatives et une très grande diversité de théories politiques. L'objectif des penseurs chinois était alors d'essayer de faire correspondre le dynamisme, l'organicité, la nature cyclique et changeante qui est inhérente à tous les éléments de la nature, avec la nature changeante des sociétés humaines et la fluctuation de tout pouvoir politique. Au centre du florilège de toutes les conceptions politiques qui émergent à cette époque, comme un véritable melting pot de propositions diverses, on retrouve le concept de Zhaohua, un concept qui sert à désigner à la fois les formations et les transformations. Là où la difficulté devient pratiquement insurmontable pour ces théories politiques, et c'est là le grand paradoxe de l'époque de la dynastie Han, c'est qu'on utilise une philosophie du mouvement qui repose sur des principes par essence dynamiques pour tenter de justifier la survivance d'une formation politique stable dont l'existence même est présentée comme quelque chose d'immuable. Parmi les théories politiques qui se développèrent à l'époque de la dynastie Han, on retrouve par exemple la théorie des trois pouvoirs. Trois pouvoirs qui sont le ciel, la terre et les hommes. La représentation graphique de cette théorie apparaît dans la figure du souverain, le Wang, alors que l'homme devient l'intermédiaire ou le lien entre le ciel et la terre, entre le macrocosme de l'univers et le microcosme de la vie sur terre. Selon cette représentation du monde, le microcosme et le macrocosme se reproduisent à différentes échelles, et il est possible de trouver des correspondances entre les différents ordres qui les composent, des résonances et même des interactions mutuelles. Le ciel et la terre sont perçus comme étant éternels et immuables dans leur mouvement, suivant la perfection d'une voie, ce qu'on appelle le Tao. Et partant de ce principe, les cassures de rythme, les anomalies sont interprétées en fonction des mauvaises actions humaines. Suivant la même logique, on retrouve une autre théorie qui est relativement similaire dans ses applications, soit la théorie du yin-yang, suggérant une alternance cyclique continuelle observable dans la nature entre les deux aspects fondamentaux de la substance primordiale du monde. Ces deux aspects sont le yin et le yang. Encore une fois, les écarts et les variations enregistrées qui dévient de cette alternance régulière sont interprétés par les Chinois comme des égarements humains et des problèmes à corriger parce qu'ils remettent en cause la légitimité même de la gouvernance. Même chose du côté de la théorie des cinq éléments qui cherche à trouver des explications à ces disparités reconnues dans le réel. Les cinq éléments, on en parle depuis quelques semaines, sont l'eau, le feu, le bois, le métal et la terre qui se succèdent dans une valse sans fin. Les éléments se succèdent et se remplacent constamment. Les éléments se génèrent, se reproduisent et se détruisent dans une alternance parfaite, conférant un sens aux multiples configurations observées dans le réel et donnant un sens à toutes les transformations qu'il nous est possible de reconnaître. Ne perdons pas de vue le fait que les correspondances, les résonances et les analogies qu'il est possible d'observer à partir de ces théories, ces exemples de théories sur les différents ordres du réel, les correspondances, dis-je, sont pratiquement infinies. Qu'il soit question de géographie, de numérologie, d'anatomie, de psychologie, de relations sociales, d'alimentation, de musique, de vêtements, etc. Les exemples de choses qu'on peut dénombrer existent à l'infini. Par exemple, partant du chiffre 5, en plus des cinq éléments dont nous venons de parler, on retrouve aussi les cinq planètes principales, les cinq saisons, les cinq directions, mais aussi les couleurs, les tons musicaux, les viscères, les empereurs sages, les montagnes, les animaux, les céréales, les relations sociales, les châtiments, et ainsi de suite. Cela étant dit, n'oublions jamais le fait que, même si cette multiplication de théories révèle un enracinement de la pensée politique chinoise dans des structures de pensée remplies de superstitions, cette pensée analogique ou corrélative avait aussi d'abord des vertus mnémotechniques, des vertus qui permettaient d'élargir considérablement les registres du savoir auxquels les individus avaient accès. Par exemple, dans le classique en trois caractères, le San Zi Qing, un texte qui a été rédigé ultérieurement autour du 13e siècle, un texte que tous les jeunes étudiants des derniers siècles de l'époque impériale devaient apprendre par cœur, on retrouve le passage suivant. Les trois pouvoirs sont le ciel, la terre et les hommes. Les trois luminaires sont le soleil, la lune et les étoiles. Les trois relations sont celles du devoir entre souverain et sujet, la proximité entre père et enfant, puis l'entente cordiale entre mari et femme. Dans la version originale, ça nous donne San Cai Zhe, Tian Ti Ren, Sanguangzhe, Zhi Yuexing, Sangangzhe, Qun Chen Yi, Fu Ziqin, Fu Fu Shun. Et le texte continue sa visée pédagogique, à la fois en comptant 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 10, tout en énumérant les saisons, les directions, les éléments, les vertus cardinales, les céréales, les animaux, les émotions, les sonorités musicales, les hiérarchies humaines, ainsi que les responsabilités sociales. Les correspondances servent à légitimer le pouvoir politique, certes, mais elles sont aussi un puissant outil d'apprentissage mnémotechnique, sur lequel les spécialistes n'ont peut-être pas suffisamment insisté. Par ailleurs, la multiplication des propositions théoriques ne parvint jamais à satisfaire complètement les esprits. Et pour cette raison, on peut dire que la philosophie politique de la Chine impériale est devenue avec le temps prisonnière des cycles de la nature. Cette dépendance forcée se voyait principalement à l'égard des catastrophes naturelles, incluant les séismes, les inondations et les sécheresses qui furent légion dans l'histoire de la Chine. Catastrophes qui furent souvent interprétées comme de possibles signes de la perte du mandat du ciel. Finalement, malgré la toute-puissance accordée au Fils du ciel, il n'en demeure pas moins que la légitimité politique de l'empereur de Chine était relativement volatile, puisque sa légitimité reposait en quelque sorte sur la moralité perçue par autrui. Ainsi, la codification rigoureuse de cette perception d'un sentiment moral au sujet de la conduite des souverains devint un gage de stabilité et d'instabilité politique tout au long de l'époque impériale, ce qui a entraîné les Chinois dans un jeu de discussion et d'interprétation sans fin qui visait à donner un sens aux successions de dynasties. Voilà donc ce qui complète cette partie et qui complète en fait ce troisième chapitre. Nous allons poursuivre la semaine prochaine avec la poursuite de notre histoire de Chine à dos de tortue. Et nous allons aussi revenir sur cet élément du bois duquel nous voulions parler aujourd'hui avec les pièces musicales qui l'accompagnaient. Je ne terminerai pas en vous présentant cette chanson tout de suite. J'y reviendrai la semaine prochaine. Je vous invite à poursuivre votre curiosité à l'égard de la Chine et à continuer à regarder du côté de l'actualité et du côté de l'histoire pour les développements au sujet de ce dont nous avons parlé, notamment les rencontres entre Xi Jinping. Il y a eu aussi Mark Carney qui a discuté avec le président chinois. On annonce un réchauffement des relations entre le Canada et la Chine. Ça reste à voir aussi le traitement ou l'absence de traitement qui sera fait à l'égard de ce qui s'est passé en 2018 depuis la rupture de ces relations, notamment en lien avec l'emprisonnement des deux Michael qui ont passé quelques années en Chine. On reviendra sur ces questions en d'autres termes, en d'autres lieux. Mon nom est Carl Derry et je vous dis à la semaine prochaine. Je suis désolé pour l'absence de musique pour cette semaine et nous nous reprendrons au cours des prochains épisodes. Sur ce, woman, xia zai jian ba.